Chapitre 14. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans critiquer ses opinions. Par exemple, l'un croit pouvoir manger de tout, tandis que l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Celui qui mange de tout ne doit pas mépriser celui qui ne mange pas certains aliments. Et celui qui ne mange pas certains aliments ne doit pas juger celui qui mange de tout, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il demeure ferme dans son service ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Et il demeurera ferme, car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. L'un pense que certains jours ont plus d'importance que d'autres, tandis que l'autre pense que tous les jours sont pareils. Il faut que chacun soit bien convaincu dans son propre esprit. Celui qui attribue de l'importance à un jour particulier le fait pour honorer le Seigneur. Celui qui mange de tout agit ainsi pour honorer le Seigneur, car il remercie Dieu pour son repas. Celui qui ne mange pas de tout agit ainsi pour honorer le Seigneur et il remercie Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Car le Christ est mort, et il est ressuscité pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous aurons tous à nous présenter devant Dieu pour être jugés par lui. Car l'Écriture déclare, « Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout homme se mettra à genoux devant moi, et chacun reconnaîtra à haute voix la puissance de Dieu. » Ainsi, chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. Cessons donc de nous juger les uns les autres. Prenez plutôt la décision que voici. Ne rien faire qui amène votre frère à trébucher ou à tomber dans le péché. Dans l'union avec le Seigneur Jésus, je sais de façon tout à fait certaine que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un pense qu'une chose est impure, elle devient impure pour lui. Si tu fais de la peine à ton frère à cause d'un aliment que tu manges, tu ne te conduis plus selon l'amour. Ne va pas entraîner la perte de celui pour qui le Christ est mort simplement à cause de ce que tu manges. Ce qui est bien pour vous ne doit pas devenir pour d'autres une occasion de dire du mal. Car le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boisson. Il consiste en la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Recherchons donc ce qui est utile pour la paix et nous permet de nous fortifier ensemble dans la foi. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu pour une question de nourriture. Certes, tous les aliments peuvent être mangés, mais il est mal de manger quelque chose si l'on fait ainsi tomber un frère dans le péché. Ce qui est bien, c'est de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de renoncer à tout ce qui peut faire tomber ton frère. Ce que tu crois personnellement à ce sujet, garde-le pour toi devant Dieu. Heureux est celui qui ne se sent pas coupable au moment où il décide d'agir. Mais celui qui a des doutes au sujet d'un aliment est condamné par Dieu s'il en mange parce qu'il n'agit pas selon la foi. Et tout acte qui ne vient pas de la foi est péché.